programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Bonsoir, bienvenue à Trèbleau aux assez fous 89.1 FM. Mon nom est Denis Baudin, bienvenue d'être là. Salut Steven Hubert. Bonsoir Denis, ça va bien? Comment vas-tu? Ça va très bien. Avec nous, à la réalisation, Patrick Boucher à la mise en onde. Salut Patrick. Bonsoir. Patrick n'a pas de micro ce soir. On vous rappelle qu'on est au restaurant Scores, du centre commercial des Rivières, dans la nouvelle ambiance du restaurant Scores. On va vous présenter ce soir. On a deux invités pour, avec nous ce soir, particulièrement aux alentours de la début de la deuxième heure. Paul Deslauriers, notre collaborateur habituellement, qui est au téléphone, sera avec nous pour faire ses présentations. Et je crois que Paul va apporter sa guitare, Steven. C'est mon souhait le plus cher, mon frère. On a aussi Steven qui est là, qui va nous vous parler de Robert Johnson. C'est un beau lien avec Paul Deslauriers tout à l'heure. Et dans quelques minutes, on a un nouveau collaborateur, quelqu'un qui s'en vient nous parler de blues, Stéphane Baudin, qui sera là pour nous présenter trois de ses pièces blues préférées. Patrick, est-ce qu'on est prêt à aller en musique? On va essayer, on va regarder où on s'en va, mais on va tenter de vous faire... on est, comme vous le savez, on est en direct à l'extérieur. Hein, avec nous en studio, vous êtes sur Trèbleau assez fou, mais avec nous en studio, Tania Baudin et Mathieu Plante, l'animateur, l'éco-animateur de... Oh, on est de... Est-ce que je m'entends pas? Moi, je m'entends très bien, en tout cas. Je t'entends très bien aussi, Denis. OK, c'est beau, c'est revenu. OK. Oui, Mathieu Plante, animateur d'Assemblage Requis, et Tania Baudin, la co-animatrice d'Assemblage Requis. Au même bonjour. Niveau, ben oui, au même niveau. Il est rendu tard, par exemple, pour nous, un petit peu. Non, pas d'alcool. J'en ai vu d'alcool. T'en as vu du café avec l'alcool. Oui, des petites coupes de vin aussi. Oui. Beer 52. On remercie le Scores de nous avoir très bien servi. C'est ça, on remercie les vies. Vous êtes avec nous pour nous expliquer pourquoi on est chez Scores ce soir. Oui, exactement. En fait, vous avez pu remarquer que vous n'êtes pas nécessairement dans les studios habituels de C'est fou. Et pour les auditeurs, bien, vous avez pu remarquer que parfois, il y a quelques technicalités qu'il faut arranger, qui est tout à fait normal lorsqu'on fait du live à l'extérieur des studios. On fait pas ça souvent. On fait pas ça souvent, exactement. Moi, la dernière fois, j'ai eu ce casque-là sur la tête. J'étais au Grand Prix de Trois-Rivières, donc ça fait un petit bout déjà. En même temps que moi, on était là. Exactement, on est ensemble. Ben oui. Puis, on est ici pour expliquer, en fait, justement, pourquoi vous n'êtes pas en studio. C'est qu'il se passe quelque chose sur le terrain de la station. C'est fou 89 FM présentement. On ne peut pas diffuser là. Non. C'est assez la cacophonie totale. Exactement. Je ne suis pas sûre, en fait, que les auditeurs auraient été capables d'entendre quoi que ce soit. Pas quand on parle, non. Non, c'est impossible. La musique, ça reste correct, mais pas les paroles. Exactement. C'est un gros show de hip-hop qui est au 10-12, le grand local gymnase de l'UQTR. C'est l'Ostito. L'Ostito, oui, disons-le, qui regroupe Corias Brown. À la claire ensemble. Trois artistes et deux... un artiste, deux bands, en fait, qui ont décidé de se grouper, de regrouper, en fait, le super group. Ouais, exactement, faire un super group de hip-hop et de rap québécois pour justement faire une tournée promotionnelle de hip-hop québécois, de faire connaître ça un petit peu partout à travers le Québec. On était du côté de Sherbrooke et Granby un petit peu plus tôt cette semaine. On s'arrête à Trois-Rivières ici. Grâce à C'est fou. Grâce à C'est fou, il faut le dire. Donc, c'est pourquoi on se retrouve pas en studio ce soir pour l'émission Très Blues à C'est fou. Il fallait faire un choix entre les deux, mais on a décidé de faire les deux quand même. Ben oui! On a vu le soundcheck tantôt, ça allait super bien. Le local, le Dizzo, s'est rempli de belles grosses lumières. Beaucoup de gens qui sont attendus aussi. Donc, honnêtement, si l'émission avait été faite live des studios habituels, on n'aurait absolument rien entendu. Absolument. Il faut dire aussi pourquoi ça s'appelle l'Ostito. Ben oui, c'est un hommage. Un hommage, ben hein? Oui. À 1968. Oui. Ben oui, les années 1968. Je me rappelle les années 68. Oui, mais ça, Mathieu, tu te rappelles. C'est ça. Mathieu s'en rappelle plus que moi. Donc, comme on dit dans la publicité qui joue sur nos ondes, c'est l'idée d'une folie de gang de chums réunis. Et dans le public, on dit la jeunesse scandant les textes des poètes d'aujourd'hui. Mais c'est ça, l'hip-hop. Ben c'est oui, vraiment. Corias, c'est très, très fort sur les textes, justement. Un petit peu plus tôt cette semaine, dans les palmarès, c'est fou. On en a fait écouter à nos auditeurs. Corias, c'est très, très, très, très texte, à la claire ensemble, très, très funny, très sarcastique aussi, plutôt satirique aussi, parfois. Donc, on peut avoir des gags qui sont quand même assez crus. Et Brown, on y va du côté reggae plus R&B, tandis que Corias, vraiment, on y va plus poésie, plus... Ça se complète. et émotif. C'est ça. Et j'imagine qu'ils vont jouer des chansons ensemble aussi. J'imagine tout le monde ensemble. Ben, j'imagine, j'espère, en tout cas. Jam. Vas-tu aller faire un tour? Ben, qu'un. Sur 12. Et en plus, ça coûte seulement 20$ pour les étudiants, 25$ pour les non-étudiants. Ça se passe à partir de 20h au 10-12. C'est bien sûr à l'UQTR. Aujourd'hui, en ce jeudi. Oui, exactement. 24 novembre. Si vous écoutez en direct. Alors qu'il est 19h46. Et encore là, vous avez manqué un excellent spectacle si vous nous écoutez en reprise. Bande de losers! Voilà. Mais si vous étiez à l'Institut et vous écoutez en reprise, bien, vous avez deux shows pour le prix d'un. Incroyable. C'est malade. Tout le monde gagne. Moi, je m'en vais là. Continuez à faire un excellent show. Oui, merci. L'excellent travail. Merci beaucoup. Puis ça nous a fait plaisir de vous servir de technique pendant quelques minutes. On va dire que l'heure avant la diffusion en direct a été un peu stressante. Il y avait beaucoup plus de spaghettis sur nos tables. Ouais, juste on parle de fil ici. Oui, pas de vrais spaghettis. On tient à dire à la direction de CIFU 89.1 qu'il n'y a aucun breuvage sur la table, aucune assiette, il n'y a pas de vrais spaghettis, ne vous inquiétez pas. Tout fait. Merci. Merci Mathieu Plante, merci. Merci Tania Baudin. Fait plaisir, papa. C'est très bien, mais c'est fou. On continue la musique et voici The Blues Don't Care, Oui Baby, avec Nat King Cole. C'est très blues, assez fou. Assez fou, 89 ans. Et... The blues don't care who's got them. The blues don't care who cries. And the nights don't care who's lonely or whose tears are in whose eyes. When someone's heart is broken, the blues are not to blame. 'Cause the blues don't care who's got 'em, so they just added my name. The nights don't care who's lonely or whose tears are in whose eyes. When someone's heart is broken, the blues are not to blame. 'Cause the blues don't care who's got 'em, so they just added my